Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc voici la traduction résumée de la parole du noble cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans cette belle rencontre bénie, Inch'Allah, et dans cette petite parole, pour laquelle je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la mettre dans la balance de nos bonnes actions, nous allons parler de cet immense manhaj, le manhaj salafi. Et certes, cette croyance salafi est la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des nobles compagnons, qu'Allah les agrée. Il repose sur la pureté et la clarté, et il n'est pas souillé par les innovations ni par les égarements, et il ne se préoccupe pas de la philosophie. Et donc ceci est un manhaj éducateur, et la preuve à cela est que si on laisserait les gens écouter ce prêche béni, ils l'auraient accepté et s'en seront réjouis, car il est en accord avec la fitra. C'est le prêche authentique, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne prononce rien sous l'emprise de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et bien que les ennemis de ce prêche béni ont fait beaucoup d'efforts pour l'affaiblir et pour mettre des ambiguïtés autour de lui, il reste en place et répandu. Allah subhanahu wa ta'ala dit يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, alors qu'Allah veut parachever sa lumière, quelques répulsions qu'en aient les mécréants. Il se peut que quelqu'un dise « Pourquoi cette voie a été appelé salafiyya ? Et qu'est-ce que as-salafiyya ? » Le mot as-salaf, dans la langue arabe, signifie la chose qui a précédé. C'est pour cela que l'on appelle les compagnons et les tabi'in as-salafu salih, les pieux prédécesseurs. Et il est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala « Faja'alnahum salafan wa mafalan lil-akhirin » Nous fîmes d'eux un exemple et une exhortation pour leurs successeurs. Et donc les salafs sont ceux qui nous ont précédés parmi les compagnons et les tabi'in. Et donc s'il est dit le madhhab salafi ou le minhaj salafi, c'est sur ce quoi étaient les compagnons et les tabi'in, surtout les meilleures générations. Ceux de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges. Ils sont connus pour leur science, leur mérite et le bien. Il n'y a pas une porte de bien sans qu'ils y étaient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et c'étaient les personnes les plus éloignées des innovations et des égarements et de la philosophie. Tu ne trouveras de leur part que Allah a dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleures personnes sont ceux de mon époque, ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. » Et Allah dit « Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. » Et quiconque s'oppose au messager, après que la guidée lui est clairement apparue, et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté, et le ferons brûler dans la géhenne. Et quelle mauvaise destination! Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'opposition au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. et ne pas suivre le sentier des croyants. Et il n'y a pas de doute que celui qui fait ça est sous la menace, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté et le ferons brûler dans la géhenne. Et quelle mauvaise destination! Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des compagnons et leurs suiveurs. Il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les devanciers et tout premier croyant parmi ceux qui ont émigré de la Mecque et ceux qui ont secouru et accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils demeureront éternellement. Voici la réussite suprême. Et donc, si nous disons « manhaj salafi » ou « la voie salafiya », ce qui est voulu, c'est la voie suivie, la voie sur laquelle étaient ces gens, et nous les suivons dans ce qu'ils ont apporté venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et dans ce qu'ils ont expliqué et démontré, c'est ce qui est voulu par la salafie. L'attribution salafie est une éloge. Toute personne qui a pris ce manhaj, qui l'a suivi, et a pris les compagnons et les tabi'in comme modèle, et sur la salafie. Et il n'y a pas de doute que les gens de la sunna, les salafis, et on les appelle aussi les gens du hadith, le groupe sauvé, sont ceux qui ont été mentionnés dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe de ma communauté ne cessera de mettre en pratique l'ordre d'Allah sans que ceux qui les ont trahis et leurs opposants ne puissent leur nuire jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne les trouver en cet état. C'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné que le groupe sauvé, les gens de la sunna, ou plutôt, c'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné le groupe sauvé, les gens de la sunna, en disant « Ils sont dans le juste milieu, entre les sectes, comme l'islam est dans le juste milieu parmi les religions. » Ensuite, le cheikh, il dit, « Ce manhaj est sauvé. Il est sur une ferme vérité. » Allah dit, « Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili. » Telle est ma voix dans toute sa rectitude. Suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah. C'est une erreur que quelqu'un vienne nous dire qu'il ne nous est pas permis de nous affilier à la salafie et de délaisser cette affiliation, car cela entre dans la division et la divergence. Et la réponse à cela est que cette parole n'est pas correcte, car nous nous affilions à des gens à qui nous sommes en droit de nous affilier. Les pieux prédécesseurs sont les héritiers des prophètes, que ce soit les Muhajiroun et les Ansar, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. Et quel beau manhaj sur lequel ils étaient. Et la preuve à cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné une recommandation aux compagnons, il leur dit: je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave d'Abyssinie. Ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Suivez donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dis un jour à Fatima, qu'Allah l'agrée, quel bon prédécesseur suis-je pour toi? Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rapporte l'unanimité des savants concernant la légitimité de s'affilier au pieux prédécesseur. Et il n'y a aucun mal pour celui qui montre le manhaj des salafs, qu'il s'y affilie et qu'il en soit fier. Et tu trouveras que les tabi'in et les savants ont toujours ordonné d'emprunter la voie des salafs. Et il nous suffit de faire comme ils ont fait, qu'Allah les agrée. Et donc la salafiyya est un manhaj immense qui repose sur la croyance et la législation, que ce soit dans le prêche, le comportement ou dans la manière d'agir. Il repose aussi sur la mise en garde contre les gens de l'innovation. Ce prêche a des particularités. Et en vérité, je vais sûrement me contenter de les mentionner brièvement. Parmi ses plus grandes particularités, c'est qu'il se conforme au Coran et à la Sunna. Et il se conforme à la croyance authentique. Il n'affirme rien dans cette religion, sauf ce qu'Allah et son prophète ont affirmé, ou une chose sur laquelle les musulmans ont été unanimes parmi les compagnons et les tabi'in, que ce soit dans la aqida, c'est-à-dire dans la croyance, dans le fiqh, dans la jurisprudence, le comportement et les adorations. Ils prennent comme preuve le Coran et la Sunna et ne font pas de différence dans le fait de s'appuyer sur eux comme preuve. Selon les gens de la Sunna, le Coran est une révélation et la Sunna est prise comme preuve. Que ça soit une information qui a été rapportée par un grand nombre de personnes ou non, les deux sont une révélation et tout est accepté, ce sont tous des preuves. Ensuite, le cheikh il dit également, parmi leurs particularités, c'est qu'ils s'attachent au Coran et à la Sunna en temps de trouble. Lorsqu'ils surviennent, ils recherchent refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ceci, et ils s'attachent au Coran et à la Sunna, tout en revenant à leurs savants, car ce sont eux qui connaissent les troubles, notamment lors du début de leur apparition, alors que les autres ne les connaissent que lorsqu'ils sont finis, et ils renvoient leurs conflits au Coran et à la Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci sera meilleur pour vous et le meilleur aboutissement. Également, l'une des particularités des gens de la Sunna est qu'ils peuvent se tromper. Et il n'y a pas de doute que le savant et l'étudiant en sciences peuvent tomber dans l'erreur, mais ils ne le font pas sciemment. Ils ne contredisent pas les textes par passion, et ceci ne fait pas partie de leurs actions, mais plutôt ce sont ceux qui prennent le plus soin à vérifier l'authenticité des textes et à leur mise en pratique. Et ils font passer l'épreuve avant la parole des hommes, même si cet homme est un savant, car il peut se tromper. C'est pour cette raison que si nous avons une preuve du Coran ou de la Sunna, et vient l'effort d'interprétation d'un savant qui contredit cette preuve, ils disent à ce savant, tu as fait un effort d'interprétation, mais tu t'es trompé. Et ce qui est juste, c'est la parole d'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils acceptent la sunna, car celui à qui la sunna est apparue clairement, il ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole de quiconque, comme l'a mentionné l'imam Shafi'i. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il n'est pas permis à une personne salafie musulmane qui croit en Allah et au jour dernier de délaisser la preuve, car un tel la contredit. Et il se peut même que la vérité soit avec un très petit nombre de savants dans un sujet scientifique, dans la jurisprudence ou autre. Dans ce cas-là, on ne doit pas dire que la majorité est une preuve, car le grand nombre n'est ni une preuve, ni un argument, mais plutôt cela se trouve dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. Conforme-toi à ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Il dit aussi: Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun autre maître que lui, que vous réfléchissez peu. Également, ils ne font pas passer leur raison avant les textes, car la base, c'est que la raison saine ne contredit pas la preuve authentique. Mais dans le cas où il y aurait une contradiction, ils ne font pas prédevancer leur raison, comme le font les philosophes et ceux qui se basent sur la raison. Car selon eux, la raison passe avant les textes, et ceci est une grave erreur. Il est obligatoire à celui qui a une raison saine de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre aux preuves. Allah dit: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettre complètement. Et cela montre qu'ils immensifient les preuves, et ceci est l'une de leurs particularités. Également, parmi leurs particularités, ils ne disent pas une parole sans qu'il n'ait un prédécesseur dans celle-ci. Pourquoi s'appellent-ils les salafis? À cause de leur suivi des pieux prédécesseurs. Et nous l'avons mentionné précédemment. Il est venu de la part de l'imam Al-Auza'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans sa parole connue: Patiente sur la sunna et arrête-toi où les gens se sont arrêtés, et dis ce qu'ils ont dit, et délaisse ce qu'ils ont délaissé, et suis leur voie, et suffis-toi de ce qui leur a suffi. Ils ne disent rien sans que les pieux prédécesseurs ne les aient précédés dans cela, sauf ce qui est en rapport avec les événements qui touchent la communauté. Les savants peuvent être unanimes ou diverger selon leurs efforts d'interprétation, car il est nécessaire d'en faire. Également, l'une des choses parmi lesquelles Allah les a différenciés est qu'ils sont toujours dans le juste milieu, une guidée entre deux égarements. La plupart du temps, tu trouves les gens de la sunna dans le juste milieu entre les khawarij et les murji'a, et entre Al-Qadariya et Al-Jabriya. Ils sont modérés dans l'ensemble de leurs prêches. Également, ce qui concerne les noms et attributs d'Allah, ils sont entre Al-Jahmiya et les anthropomorphistes. Aussi, parmi l'une des plus grandes particularités des gens de la Sunna, par laquelle ils se sont distingués des autres, la mise en garde contre l'innovation et leurs adeptes, ainsi que leur boycott. Ils ne s'assoient pas avec les innovateurs, ne débattent pas avec eux, ne lisent pas leurs livres et ne les écoutent pas, mais plutôt Ils ne connaissent que l'aversion et le boycott à leur égard, jusqu'à ce qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala de leurs innovations, car ils ont semé la corruption et ont détourné les musulmans de leur religion. Et tu trouveras dans les livres des salafs leur mise en garde, et aussi l'inimitié et la haine à cause du fait qu'ils sont sortis de la sunna et qu'ils ont propagé le faux, et fait partie de leur boycott le délaissement de leurs livres qu'ils ont propagés, car leurs innovations sont dans des livres écrits et ils sont propagés au milieu des gens par leur biais. Il est donc obligatoire de mettre en garde contre ces livres, et ceci est l'une des grandes particularités des gens de la Sunna. Également, tu trouveras parmi leurs particularités leur amour pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils connaissent leur rang, contrairement aux gens de l'innovation. Car les gens de l'innovation disent que les pieux prédécesseurs sont des hommes normaux, tout comme eux. Et certains d'entre eux disent même que le manhaj des salafs est plus sûr, mais celui de ceux qui sont venus après eux est plus savant. Et ceci fait partie des égarements que propagent ces innovateurs, au contraire des gens de la Sunna, qui eux affirment que les compagnons sont les meilleures personnes, et c'est pour cette raison qu'ils les ont suivis et qu'ils se sont affiliés à eux. Et ils ont une grande place et un rang élevé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal. Et croyez en Allah. Il dit aussi: Allah agrée les croyants lorsqu'ils ont prêté serment sous l'arbre. Ensuite, le cheikh, il dit, Hafidhahullah, et dans combien de versets Allah a fait leurs éloges, que ce soit aux Muhajirin ou aux Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient son âme dans sa main, si l'un de vous dépensait l'équivalent d'Uhud en or, il n'atteindrait pas le Mud, ni même la moitié. Allah a regardé les cœurs de ses serviteurs, et il a choisi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme assistants. Nous aimons donc les compagnons. Et nous ne faisons pas preuve de laxisme dans cela. Il n'est pas permis aux croyants de mentionner leurs défauts. Nous ne les mentionnons qu'en bien. Leur amour fait partie de la religion, de la foi et la bienfaisance. Allah a même fait leurs éloges dans la Torah et l'Évangile, qu'ils sont rudes envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Au contraire, des gens de l'innovation qui ne connaissent pas leur rang élevé et leur grande place que les gens de la Sunna ont connue. Ils ont connu leur équité et qu'ils iront au paradis et se sont abstenus de mentionner ce qui s'est passé entre eux. Et ceci est l'un de leurs plus grands fondements et l'une de leurs plus grandes particularités qui les a différenciés des autres. C'est pour cela que les gens de la Sunna considèrent celui qui dénigre les compagnons ou dit d'eux qu'ils sont mécréants ou que la plupart d'entre eux ont apostasié comme mécréants. Mais par contre, celui qui diminue de leur mérite avec certaines paroles, telles que les caractériser comme étant lâches ou avares, celui-ci est un innovateur. Et nous aimons également les proches et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, parmi les particularités des gens de la sunna, la réfutation des gens de l'innovation est désapprouvée aussi leurs innovations, et ils considèrent cela comme faisant partie du conseil, réfuter ceux qui contredisent, mettre en garde contre ces derniers et rejeter et réfuter leurs erreurs. Mais il se peut qu'une personne de la sunna tombe dans l'erreur. Cela peut même être un savant. Et dans ce cas-là, on préserve son honneur tout en rejetant son erreur. Et nous disons qu'il a fait un effort d'interprétation et qu'il sera récompensé car c'est un savant de la sunna et que son manhaj repose sur l'équité avec les gens de la sunna. Mais fait partie de cette même équité le rejet de son erreur, même si c'est quelqu'un de la sunna. Il dit ensuite, il y a aussi un fondement immense en lien avec l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Tu trouveras que les gens de la sunna se sont distingués des autres car ils cheminent avec l'épreuve et ne les rejettent pas avec leur raison et leur opinion et ne font pas de philosophie dans la compréhension des textes, mais plutôt ils suivent les pieux prédécesseurs et croient en l'interdiction de sortir contre le gouverneur, tout comme ils croient qu'il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance du Créateur. De ce fait, si le gouverneur t'ordonne la désobéissance, nous disons il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance du Créateur. Ensuite, le Cheikh, il dit, ceci est en vérité la plus importante particularité, et c'est une parole résumée, car ce sujet demande plusieurs conférences et de longues allocutions pour détailler ce sujet, mais nous l'avons mentionné en résumé. Et le Cheikh a clôturé son allocution par des invocations.